Chapitre 11e, les lions. En Afrique, dans les pays tropicaux, et même en Algérie, pendant la saison chaude, on coupe l'étape en deux. De très bonne heure, on se met en route et l'on fait trois ou quatre lieues sur les lignes points d'eau. On dresse les tentes et l'on fait la sieste, un pan de tente relevé. Les cuisiniers mettent en train soupe ou rôti. L'un, puis l'autre, tour à tour, surveille feuille et marmite. À 2h30, réveil. Ablution si possible. Café extrêmement léger. C'est un apéritif. Repas confortable. Départ à 3h. À 6h, 6h30, 7 heures plus tard, on dresse le camp. On se rafraîchit de café ou de thé très peu sucré. On cuisine. Repas vers 8h. Puis, longue causerie, souvent danse autour des feux. Vers 10h, on va dormir. Mais le concert est commencé. Il faut s'y habituer. Un vrai sabbat. Si l'on est près d'un fleuve, les hippopotames grognent comme d'énormes cochons et de temps en temps poussent des cris épouvantables. Les chacals glapissent d'une voix alarmée et stridente. Les hyènes aboient. Les léopards et les panthères poussent des miaulements sinistres. Les éléphants baritonnent et font trembler la terre. Puis, au milieu de tous ces cris exaspérés, explosion de la faim et menace de mort, la plainte déchirante, lamentable du singe hurleur retentit sans cesse renouvelée. Enfin les lions rugissent. Oh, ceux-là, à 100 pas du camp. Hardis, ils ne le sont que trop. Ils sentent le troupeau, les ânes, l'homme, la chair vivante. Ils en veulent, il leur en faut, et ils s'élancent, et ils bondissent. Mais les feux flambants, entretenus avec soin, les étonnent, les effraient, les contiennent, les épouvantent. Le feu, miracle effrayant pour la bête fauve. Elle ne comprend pas, elle ne se l'explique pas. L'animal domestique, lui, c'est bien ce que c'est. Le chien, le chat, le lion apprivoisé vont se chauffer au foyer. L'animal sauvage en a peur. Mais irrité, il se surexcite sans pouvoir vaincre son appréhension. Mademoiselle de Pellouer, ce premier soir, au premier rugissement des lions, tressaillit et dit à Dussonville « Mais ce doit être le lion dont j'entends le cri. » « Oui, mais... » On s'étonnait de la tranquillité de son oncle. « Mais quoi ?» demanda celui-ci. « Puisque c'est un lion, il faut le tuer. Ma chère amie, vous voudriez tuer un lion, n'est-ce pas ?»« Je comprends ça, mais je vous prie de patienter. Demain, nous aurons à faire une étape très fatigante. Si nous allons affûter le lion, c'est une nuit perdue. Nous peinerions pendant la marche qui suivra. Et puis, s'il fallait abattre tous les lions qui viendront rôder autour de nos camps, je vous assure que l'on n'en finirait pas. Toutes les nuits, vous entendrez le même vacarme. Mais tous les samedis et tous les dimanches, il y a repos. » Nous chasserons samedi et dimanche prochain 2 jours. Je ferai mon possible pour vous faire tirer un lion. Merci, dit-elle les dents serrées. Qu'avez-vous donc ? Fit-il. Mais rien. Il pensa, c'est nerveux. Ses rugissements l'agacent. Il reconduisit la jeune fille jusqu'à sa tente et il alla se coucher fort tranquillement. Il se reposait sur de l'aiglis pour faire une ronde à minuit. Il devait en faire une autre plus tard dans la nuit. Cependant, il arriva ce qui arrive toujours, que le silence se faisant dans le camp, l'audace des lions alla croissant. Il se rapprochait. Vers 11h, Mademoiselle de Pellouer, qui ne pouvait dormir, se leva doucement. Elle prit son fusil américain, l'arma de sa baïonnette, se munit de son revolver et se glissa hors du camp sans bruit, n'attirant pas l'attention de la sentinelle. Elle tenait avec amour son arme excellente en ses mains. Ayant tiré la veille avec elle, elle en connaissait la valeur. Elle dépassa lentement de 10 pas environ le cercle qu'éclairait un feu et elle mit un genou en terre. Puis elle coucha plusieurs fois son fusil en joue. « Belle nuit, murmura-t-elle, j'y vois très bien. » Puis souriant, « Tout à l'heure, il saura de quelle race je suis. S'il croit que j'attendrai samedi ou dimanche pour qu'il daigne me faire tuer un lion, alors que si belle occasion s'en présente cette nuit, il ne me connaît pas. » Elle posa à terre ses revolvers. Mais déjà les lions, guidés par leur flair, approchaient. Au rugissement, elle en compta 5 ou 6 et ne s'en effraya pas. Elle comptait sur son adresse inouïe à balles franches. La meute léonine s'approcha, et ce jeudi meute, c'est qu'en ces pays, les lions s'assemblent pour chasser. Elle vit dans l'ombre des formes monstrueuses de chats gigantesques s'approcher d'elle. L'air était empoisonné par l'odeur des fauves. En avant, un grand vieux lion, le seigneur de la bande, comme disent les nègres. Elle le voyait, dardant ses regards magnétiques sur elle, regards qui donnent une fièvre de terreur aux plus braves. Mais elle prit sa résolution avec un calme terrible. tout ce qui était héroïque en elle, s'affirmant en ce premier suprême danger. Elle fut sans défaillance, sans émotion, inébranlable et surhumaine. Elle visa froidement et tira avec une telle justesse que le lion fut foudroyé. En 10 secondes, Mademoiselle de Pelouer envoya 4 autres balles qui, étant explosibles, produisirent des blessures telles que 3 lions tombèrent encore. Mais le 4e n'eut qu'une partie de la gueule fracassée et il continua sa course avec fureur. Une 2e balle lui troua le front, presque à bout portant. Il roula à terre. Le poste accourait. Tout le camp était sur pied. Dussonville accourut un des premiers et vit le carnage. « Très bien et très mal, » dit-il, plus ému qu'il ne voulait le laisser paraître. « Très bien comme adresse, bravoure et résolution, mais ce n'en est pas moins une folle imprudence. Pourquoi ne pas essayer à tuer un lion dans de bonnes conditions, comme je vous avais promis de vous le faire faire ? J'étais sûr de moi. Et si votre dernier coup de fusil avait raté ce qui arrive, j'avais ma baïonnette. Vous étiez perdu. Oh, ce n'aurait pas été une bien grosse perte. Une gamine qui ne laisse personne derrière elle. Et moi ? » dit Dussonville. « Je ne compte pas. » Il y avait un accent si vif de profonde tendresse dans cette protestation qu'elle sauta au cou du capitaine en s'écriant « Je ne suis plus orpheline. Je vois que j'ai un père. » « Oui, » dit une voix un peu bêlante. « Oui, nous serons votre père et votre mère, ma chère enfant. » C'était Mrs. Morton qui profitait de la circonstance pour faire une insinuation matrimoniale. Mademoiselle de Pelouer protesta avec mauvaise humeur. « Vous êtes ma tante et vous resterez ma tante. Aux Amazones, vous devez savoir dépouiller ces animaux-là. Vous me garderez les peaux que nous déposerons dans le village près duquel nous sommes campés. Je les reprendrai au retour. Si je me marie, je serai fier de montrer ces fourrures à mes enfants. » Les Amazones, pleines d'admiration, défilèrent une à une pour baiser la main de la jeune fille, puis elles l'acclamèrent, à la mode la roméenne, avec des cris rauques et sauvages. Elle les salua d'un geste très noble et se retira sous sa tente après avoir reçu du Sombil le souhait affectueux d'une bonne nuit. Les Amazones terminèrent le dépècement en 1/2 heure. Elles mirent à part les cœurs et les meilleurs morceaux des lions, dont la viande est très bonne, mais les cœurs furent mangés crus et saignants. C'est l'habitude des chasseurs et des chasseuses de lions et d'éléphants qui, mangeant du cœur de l'animal, s'imaginent qu'ils s'en donnent à eux-mêmes. Ce qui frappait le plus les Amazones, c'était l'adresse de cette toute jeune fille. Malgré la rapidité du tir, toutes les balles avaient bien porté, sauf celle qui avait seulement fracassé la mâchoire inférieure d'un lion. Mais la 2e balle avait été foudroyante. Cela dénotait un sang-froid imperturbable. Le lendemain, avant le départ, on avertit le chef du village voisin, qui accourut avec toute la population et qui reçut en dépôt les peaux des lions pour les préparer et les conserver. En échange, on lui abandonnait ce qui restait de viande. À l'admiration des habitants se joignit la reconnaissance. Après une ovation enthousiaste à Mademoiselle de Pelouer, hommes et femmes s'abattirent sur les restes des lions et se les disputèrent pendant que la caravane s'éloignait. Mademoiselle de Pelouer, de ce jour, s'aperçut qu'elle ne marchait plus qu'enveloppée d'un grand prestige aux yeux des Amazones.